ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, l'affaire Dreyfus. Le 20 juillet 1806, c'est une belle journée de réparation pour la France et la République. Mon affaire était terminée. Si le 20 juillet 1906 est une belle journée de réparation pour la France, comme le dit Alfred Dreyfus dans ce discours prononcé à la Sorbonne en 1912, c'est que le 20 juillet 1906 est le jour où Alfred Dreyfus est fait chevalier de la Légion d'honneur dans la même cour de l'école militaire où on l'avait dégradé 11 ans plus tôt. C'est la fin de l'affaire Dreyfus, cette affaire qui divisa si profondément la France. Dreyfus était un officier juif qui a été accusé à tort d'avoir trahi et d'avoir livré des documents aux Allemands en 1894. C'est une machination qui a été ourdie par les services secrets, l'État, l'armée, etc. Il fallait qu'il y ait un coupable. Ce coupable était tout désigné, c'était lui. Et lui a été maintenu au secret, c'est-à-dire qu'il ignorait la plupart des choses dont il était accusé. Ouais. Et il a été envoyé au bagne à Cayenne, sauf qu'il était à l'isolement et il a vécu 5 ans. Avec des gardiens qui n'avaient pas le droit de lui parler. Lui ne savait pas ce qui se passait en France. Et moi, j'ai découvert en étudiant l'affaire que la personnalité de Dreyfus n'était pas du tout celle qu'on avait décrite. Il était extrêmement patriote, très loyal, donc c'était d'autant plus injuste qu'on l'accuse d'avoir trahi. Et je crois qu'on n'en finira jamais d'innocenter Dreyfus parce que l'éclat de sa dégradation, la scène de la dégradation, c'était quelque chose de terrible. Vous savez, il a été dégradé dans la cour de l'école militaire avec tous les soldats qui lui tournaient le dos. On a cassé son sabre, on a arraché ses galons, tous ses boutons, tous les boutons de son uniforme, avant de l'envoyer en Guyane. Le chanteur Yves Duteil, petit-neveu d'Alfred Dreyfus au micro de Christiane Charette en 1998. Yves Duteil qui rendra d'ailleurs hommage à son grand-oncle avec sa chanson Dreyfus qui paraîtra en 1997. Pour nous raconter l'affaire Dreyfus, je reçois Carl Bouchard, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour. C'est assez touchant, je trouve, cet extrait d'Yves Duteil quand il parle de son grand-oncle. Quelle importance a cette affaire, l'affaire Dreyfus, dans l'histoire de France? C'est une affaire importante parce qu'elle dit beaucoup de choses sur la politique déjà, sur la politique française. Elle nous dit des choses sur le régime politique aussi. La France d'aujourd'hui, c'est une république, c'est la 5e république. Au moment de l'affaire Dreyfus, on est à la 3e république et c'est un régime qui est encore... qui n'est pas le régime naturel de la France. En fait, certains ne considèrent pas comme le régime naturel de la France. Ça nous dit des choses sur la politique, ça nous dit des choses sur l'antisémitisme aussi en France, à l'époque, et sur cet antisémitisme qui va continuer dans la France jusqu'au régime de Vichy au moins. Donc, beaucoup d'éléments qui, à l'époque, nous donnent... c'est un peu le reflet de la société de l'époque, évidemment, mais c'est aussi quelque chose qui va perdurer à travers les décennies. C'est une histoire qui, comme le disait Peggy au moment de l'affaire Dreyfus... Charles Péguy, elle est finie, mais elle ne finira jamais vraiment, parce que ça nous dit trop de choses sur le pays lui-même. Parce que ça questionne la façon dont ce pays fonctionne à ce moment-là. C'est un pays, les institutions sont en mutation, au fond. Absolument. C'est un peu ça. Lorsqu'éclate l'affaire, il n'y a pas l'affaire au départ, on en parlera tout à l'heure, mais en 1994, lorsque Dreyfus est accusé, la République est encore jeune, elle a été fondée en 1870, donc une quinzaine d'années. C'est un régime, je le disais, qui n'est pas forcément naturel, un régime qui ne va pas de soi pour les Français. C'est une situation aussi militaire un peu particulière. On a une armée qui est en processus de réforme, qui se républicanise, mais qui est composée beaucoup d'officiers issus de l'ancienne aristocratie, d'officiers de métier qui sont là depuis plusieurs générations. Alors, il y a aussi des transformations à l'interne. Donc, c'est une société qui bouge, mais ce sont des institutions qui bougent également. Puis Dreyfus arrive un peu comme au cœur de cette grande tempête et puis devient un peu le coupable idéal. Ça pose une grande question aussi. Qui reste très actuel, cette affaire-là, ce pourquoi ça reste bien conscient dans l'imaginaire des Français aujourd'hui encore. Est-ce que l'État, qu'est-ce que la raison d'État et est-ce que l'État peut mentir? Est-ce que l'État peut mentir? Est-ce qu'il vaut mieux condamner un innocent pour sauver l'État? Est-ce que c'est la justice qui doit triompher? Alors, beaucoup de questions qui touchent à la France, mais qui sont plus généralement des questions qui nous importent tous, évidemment. Alors, ça commence quand, Carl Bouchard, cette affaire-là, l'affaire Dreyfus? L'affaire Dreyfus commence par un petit bout de papier. C'est une femme de ménage qui travaille à l'ambassade d'Allemagne à Paris, qui est membre des services secrets, en fait. Elle travaille pour les services secrets français et elle découvre dans une poubelle un petit bout de papier qu'on va appeler le bordereau. Et ce petit bout de papier déchiré, ce petit bout de papier qu'elle transmet au service secret laisse entendre qu'un officier français, puisque c'est le seul qui pourrait avoir ce genre d'informations, un officier français transmet des informations militaires à l'Allemagne, concernant notamment le canon 75, donc un obusier très, très populaire à l'époque. Et c'est ainsi que commence cette histoire Dreyfus. Lorsqu'on découvre ce bordereau, eh bien, on se dit qu'il y a un coupable au sein de l'état-major, il y a un officier coupable. Et très rapidement, les doutes se tournent sur Alfred Dreyfus. Pourquoi? En particulier. Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il est alsacien. Et on doute un peu encore de la loyauté des Alsaciens. C'est une province qui a été exclue de la France après la guerre franco-prussienne en 1870-71. Et certains Alsaciens, certaines familles alsaciennes ont choisi la France et ont décidé de quitter l'Alsace pour aller vivre en France. Mais c'est un Alsacien. Il a un peu un accent germanophone puisqu'il parle alsacien. Il n'est pas véritablement français pour certains. Alors, premier problème. Deuxième problème, encore plus important, il est juif. Et étant juif, il est forcément coupable de quelque chose. C'est le seul officier juif de l'armée française et il devient à ce moment-là un peu le coupable par défaut. C'est celui sur lequel va tomber tout de suite l'accusation. Et dans un premier temps, donc, il n'y a pas encore d'affaire Dreyfus, vous le disiez. Il est accusé, il est trouvé coupable. Ouais. Tout le monde dit ben, c'est un traître et voilà. Mais on découvre à un moment donné que ce n'est pas lui, en fait, l'origine de ces fuites. Ouais. Comment on découvre que Dreyfus a été condamné à tort? Ben, déjà, on avait des doutes au départ. Et c'est là que l'erreur a fait que les premiers doutes s'installent. C'est qu'on a fait des tests d'écriture pour savoir si c'était Dreyfus qui l'avait fait. Un pseudo-expert dit que c'est Dreyfus. D'autres experts disent non. Un autre dit « je ne suis pas sûr ». Mais ce qu'on fait, c'est qu'on retient seulement ce qui est favorable à l'accusation de Dreyfus. Ouais. Donc, dès le départ, il y a déjà des doutes. Et puis, peu à peu, on s'aperçoit, en fait, alors que Dreyfus est en Guyane, est à son bagne en Guyane, il a été dégradé puis envoyé en prison, on s'aperçoit que les informations continuent à être transmises. Ouais. Et donc, le coupable court toujours. Et c'est à ce moment-là, en fait, que cette affaire Dreyfus va prendre une autre dimension. Elle quitte le milieu militaire exclusivement, et puis là va devenir une affaire beaucoup plus importante. Et on va trouver finalement le coupable. On trouve le coupable, c'est un colonel, le colonel Picard, qui est responsable des services de renseignement, qui apprend en fait que les informations transmises à l'Allemagne courent toujours. On réussit à trouver le coupable. Picard, qui est alsacien lui aussi d'ailleurs, va en faire part au ministre de la guerre. Le coupable, c'est un certain Esterhazy, qui lui aussi est officier, et un officier qui joue beaucoup à l'argent, qui perd énormément d'argent et qui monnaie en fait des informations militaires. Picard le dit au ministre de la marine. Au ministre de la Guerre, pardon, que se passe-t-il? Picard est muté en Tunisie et on essaie de taire l'affaire. Pourquoi? Ben parce que là, l'erreur judiciaire devient une question d'honneur, une question de l'honneur, L'armée ne peut pas s'être trompée, avoir accusé à tort exactement. Dreyfus. Et puis on se dit, c'est aussi bien, de toute façon, Dreyfus, c'est réglé. On a trouvé le traître. Occupons-nous d'Esterhazy discrètement et puis laissons tomber cette histoire. Et c'est là que ça s'ébruite, parce qu'on sait, le bruit court, qu'il y a le vrai coupable, c'est Esterhazy, qu'il s'en tire donc à bon compte. Et c'est à ce moment-là que vraiment va commencer la véritable affaire Dreyfus avec ce fameux et ce célèbre « J'accuse » d'Émile Zola, l'écrivain Émile Zola, qui publie cet article intitulé « J'accuse ». J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général de Bois d'Effre d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. Et j'accuse le second conseil d'avoir couvert cette illégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. Esterhazy a été jugé au début du mois de janvier 1998 et il a été acquitté. Le 13 janvier 1898, Émile Zola publie dans le journal de Clémenceau, L'Aurore, une lettre ouverte au président de la République, et Clémenceau a la bonne idée d'intituler cette lettre « J'accuse ». Et c'est un des plus grands textes du siècle, un des plus grands textes de la vie politique, puisqu'il accusait qui ? Eh bien justement, tous ces militaires, tous ces officiers qui avaient camouflé des pièces, qui avaient fait de Dreyfus un coupable, alors que le procès avait été complètement inique et que les preuves n'existaient réellement pas. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. Extrait du téléfilm L'affaire Dreyfus, réalisé par Yves Boisset en 1995. Vous pouviez aussi entendre dans ce qu'on vient de vous présenter comme extrait sonore l'historien Michel Vinocq à l'émission Au fil du temps en 1992. Que cherche Émile Zola, Karl Bouchard, quand il publie son texte J'accuse le 13 janvier 1898? Émile Zola sait, en fait, croit que Dreyfus est innocent. Il a déjà publié des textes sur Dreyfus, notamment dans le journal Figaro, à un point tel qu'à un moment donné, le journal lui a demandé d'arrêter de publier des textes. Il recevait énormément de lettres très, très violentes contre ses propos. Et puis, ce qui pousse Zola à agir, en fait, c'est ce terrible jugement. Le jugement, donc, tombe en janvier 98 et qui fait d'Esterhazy, qui innocente Esterhazy, qui ajoute, en fait, à la culpabilité de Dreyfus. Et là, Zola dit, c'en est fini. Tout ça est encore dans le monde militaire. Là, le monde militaire ne sortira jamais de cet imbroglio. Il faut qu'on amène l'affaire Dreyfus dans l'espace public. Et c'est pourquoi le texte « J'accuse » est aussi important. C'est que Émile Zola se place sous, en fait, le coup des articles de la loi civile française qui interdit la diffamation. Donc, il le sait que ce qu'il fait là, en accusant des personnalités militaires, des personnalités politiques, va mener à un procès. Il cherche civil. Il cherche ce procès. Exactement. Il cherche le procès pour pouvoir montrer au monde les iniquités contre Dreyfus. Et le texte est incroyable. Il est publié donc en première page du journal L'Aurore. C'est Georges Clemenceau, qui sera un grand homme politique français qui est directeur du journal à l'époque, va publier 300 000 exemplaires de ce numéro, donc 10 fois plus qu'à l'origine. C'est un texte de 4000 mots, extrêmement dense, ouais, en première page. Aujourd'hui, on aurait à l'équivalent d'à peu près 8 pages de journal pour écrire toute cette lettre. Alors, il y a quelque chose de très, très dense avec des accusations très, très fermes. Ouais. Et comme on l'a dit, on l'a vu dans l'extrait, il attend. Il attend d'être poursuivi et il sera effectivement poursuivi. Et c'est là que va vraiment, comme il le voulait, Zola, que va éclater l'affaire, que ça va sortir du simple rang de l'armée, des simples rangs de l'armée pour devenir une affaire publique, voilà, avec deux camps qui vont vraiment s'opposer. La France va être déchirée autour de l'affaire Dreyfus. Qui s'oppose dans cette affaire-là? Bien, on aura d'un côté les Dreyfusards, d'un côté les anti-Dreyfusards. Bon, le nom le dit lui-même. D'un côté, ceux qui prendront la défense de Dreyfus au nom de la vérité, au nom de la probité, au nom de la justice, et qui vont se réunir dans certaines associations. La plus connue, ce sera la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, qui existe encore aujourd'hui. Ces Dreyfusards, on doit le rappeler, et c'est important, sont minoritaires, et fort minoritaires. En fait. Il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent parti pour Dreyfus. Et certains vont le faire au péril même de leur carrière. Marcel Proust, par exemple, Léon Blum, qui deviendra président du Conseil dans les années 30, Anatole France, qui est membre de l'Académie française. C'est le seul membre de l'Académie française qui est Dreyfusard. Il va refuser, à partir de ce moment-là, de siéger à l'Académie. Donc, des gens qui prennent des risques. Et c'est à partir de ce moment-là que le mot, la figure de l'intellectuel va sortir. Parce qu'on les appelle les intellectuels. Les intellectuels, c'est ces savants, ces experts qui décident d'aller dans la place publique et de prendre parti pour une cause. D'un côté, donc, les Dreyfusards, de l'autre côté, les anti-Dreyfusards, une majorité de la population, l'extrême majorité des journaux français qui vont être anti-Dreyfusards. Et ce sont des gens qui vont se réunir aussi dans certaines ligues. Alors, la simple évocation des noms nous dit déjà une idée de leur idéologie politique. Alors, il y aura la Ligue antisémite, la Ligue des patriotes, la plus connue, la Ligue de l'Action française. Et ce sont ces gens qui vont défendre le point de vue de l'État. Et on a évidemment certaines personnes, Maurice Barrès, Édouard Drumont, qui sont très connus, mais on peut aussi dire que Jules Verne, Paul Cézanne, Edgar Degas, Auguste Renoir vont être des anti-Réfusards. Des gens qui vont continuer à défendre donc, la décision de la justice. Et c'est vraiment une affaire qui divise, je reviens là-dessus, mais profondément la France. Pour bien comprendre ce choc, cette division que provoque l'affaire Dreyfus, on écoute Robert Debré, célèbre pédiatre français, qui était étudiant au moment de l'affaire Dreyfus, extrait de l'émission « Propos et confidences » du 13 juin 1978. Je rappelle qu'un officier juif qui appartenait à l'état-major de l'armée a été accusé d'avoir transmis à l'Allemagne des documents secrets. Cette accusation a créé une émotion dans le pays d'une profondeur et d'une force extraordinaire, car parmi nous étaient respectées toutes les opinions, toutes les idées, toutes les tendances religieuses ou autres. Une seule opinion était intouchable, c'était celle de l'amour de la patrie. Donc, une trahison dans l'armée était alors vraiment un drame national qui nous a tous secoués jusqu'au fond de nous-mêmes. La trahison d'un militaire, c'était, Karl Bouchard, la trahison de la patrie. Par extension, c'est ça qui est intéressant, pour certains en tout cas, innocenter Dreyfus, c'était trahir la patrie. C'était trahir la patrie. Il y a, justement, dans les anti-Dreyfusards, deux groupes. Il y a ceux qui reconnaissent que Dreyfus n'est peut-être pas coupable. Et c'est ça qui est le plus troublant. C'est ceux qui disent, oui, il y a peut-être eu des erreurs, il n'est peut-être pas coupable, mais pour autant, l'État ne peut pas être dans l'erreur et l'armée ne peut pas être dans l'erreur. Ouais. Le simple fait de critiquer l'armée, c'est de l'affaiblir. Et donc, d'affaiblir la France face à ses ennemis potentiels. Et là, évidemment, on a le regard qui porte vers les Vosges, qui porte vers l'Alsace et qui porte vers l'Allemagne. Si on continue à affaiblir l'armée, on affaiblit la France et on va peut-être perdre la prochaine guerre. De l'autre côté, il y a les anti-Dreyfusards qui, eux, peu importe la situation, considèrent que Dreyfus est coupable parce qu'il est juif. Il n'y a aucune autre solution, aucun autre point de vue possible. Cet aspect juif, d'ailleurs, Robert Debré le rappelle au début de l'extrait, Dreyfus était juif. Dans quelle mesure cette dimension juive va jouer, quelle place va occuper, au fond, l'antisémitisme dans l'affaire Dreyfus? C'est une place assez importante parce qu'il y a un fond d'antisémitisme en Europe, de toute façon, depuis plusieurs siècles. En France, sous la Troisième République, cet antisémitisme a tendance à devenir de plus en plus agressif. On passe d'un antisémitisme ordinaire, un antisémitisme beaucoup plus idéologique. Alors, Édouard Drumont, par exemple, qui est un des plus fervents anti-Dreyfusards, va publier des ouvrages sur la France juive dans les années 80, condamnant les Juifs, considérant qu'ils sont derrière tous les complots d'État, qui contrôlent l'économie française, qui sont responsables des crises bancaires. Donc, on commence à accuser, en fait, c'est une façon d'externaliser les problèmes de la France, mais on accuse un groupe en particulier. Et puis là, évidemment, la résonance plus contemporaine et très, très forte. Il subira un deuxième procès, Alfred Dreyfus, en 1899, le procès de Rennes. Oui. Ça va déboucher sur quoi? Ça va déboucher sur un autre coup de théâtre. Le Conseil de guerre va le reconnaître à nouveau coupable, alors que toutes les preuves sont maintenant en sa faveur. Il est toujours coupable de trahison. Donc mais l'armée persiste. Persiste, exactement. Donc toujours coupable de trahison, mais l'armée, dans ce cas-ci, va admettre que c'est avec circonstances atténuantes. Comme si on pouvait être à moitié traître. Donc traître, mais pas complètement traître. Et il sera condamné donc à 10 ans d'emprisonnement. Et c'est un peu ce qui va mettre un terme à cette aventure. C'est que l'armée ne voudra pas revenir sur sa décision, mais en même temps, en parlant des circonstances atténuantes, montre bien, dans le fond, et fait son aveu d'échec. Ce qui va se passer par la suite, c'est que, en fait, c'est le monde politique qui va prendre le relais. Le président de la République va considérer quelques jours plus tard que cette situation est devenue trop absurde. On va décider de gracier Dreyfus. On gracie Dreyfus et on fait une amnistie générale pour toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Et qu'est-ce qu'il devient, Dreyfus, après cette réhabilitation? En fait, dans un premier temps, il est simplement gracié. Ça veut donc dire qu'il n'est pas innocenté. Et en fait, tout le combat de Dreyfus à partir de 1999 sera d'obtenir une réhabilitation réelle. Elle aura lieu donc en 1906. Il sera décoré de la Légion d'honneur, comme on l'a vu, et il sera donc ramené dans ses statuts, dans sa promotion militaire. Je suis un peu ton fils et je retrouve en moi Ta foi dans la justice et ta force au combat, dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense, tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Et s'il ne reste qu'un murmure pour te défendre, par-delà tous les murs, il faut l'entendre. C'était il y a 100 ans, Dreyfus est mort depuis, mais je porte en chantant tout l'espoir de sa vie. Pour la mémoire des jours, puisqu'en son paradis, on sait depuis toujours qu'il n'a jamais trahi. Il n'a jamais trahi son cœur, ni son pays. La chanson « Dreyfus d'Yves Duteil » parue en 1997, ça nous amène, Carl Bouchard, à parler à cette chanson-là de ce qui reste, cette chanson-là, mais plus que ça, de ce qui reste de l'affaire Dreyfus dans cette France d'aujourd'hui. Il y a un côté encore très actuel dans ce que soulève l'affaire Dreyfus. Oui, il faut rappeler qu'au moment du centenaire de l'affaire Dreyfus, il y a une dizaine d'années, l'armée a publié une brochure sur l'événement et disait, je cite, « L'innocence de Dreyfus est la thèse généralement admise par les historiens. » Même 100 ans plus tard, l'armée a de la difficulté à accepter cette erreur judiciaire et à assumer cette erreur judiciaire. Ce que ça nous dit aussi aujourd'hui, sur la France, mais sur nos sociétés de façon plus générale, et puis là, on est tout à fait dans l'actualité, c'est ce qu'on appelle la post-vérité. Donc, qu'est-ce que c'est que les faits, la vérité, la justice, dans un monde où, justement, on conteste ces faits? La figure de Zola, c'est le grand-père de tous les lanceurs d'alerte d'aujourd'hui, c'est-à-dire ces gens qui acceptent au risque de leur carrière, de leur vie, de leur destin, de dénoncer l'illégalité, de dévoiler des manœuvres illégales. Donc, Snowden et autres, exactement. Il y a quelque chose là, un geste, un sacrifice au nom de la cause publique qui reste quand même extrêmement d'actualité. Puis à l'opposé, l'anti-dreyfusisme, c'est l'incarnation un peu de la post-vérité. Ceux qui se créent leur vérité, une vérité qui est faite de stéréotypes, qui est faite de haine de l'autre, qui est faite d'obsession du complot, considèrent que le pouvoir peut décider de façon arbitraire face à la propre vérité. Donc, il y a quelque chose aussi qui est, et c'est pourquoi je le disais tout à l'heure, constamment renouvelé, en fait, à partir de l'affaire Dreyfus. Oui. Victoire, triomphe de la démocratie et de la vérité, en fait, cette affaire-là, au bout du compte. Certainement, en fait, certainement. Victoire de la République, du côté français. Une certaine vision de la démocratie, exactement, où l'État est irréprochable. L'État doit être irréprochable. L'État doit accepter une justice et doit accepter ses erreurs, ses propres erreurs, au nom du bien public. Carl Bouchard, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, stagiaire à la recherche Mohamed Algouri, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Guy Charbonneau. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.